بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فوقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: هذا غاية للأكل والشرب والجماع، وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر فلا بأس عليه، وفيه دليل على استحباب السحور للأمر، وأنه يستحب تأخيره أخذا من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد حيث كانوا، وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل، ويصح صيامه، لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر أن يدركه الفجر وهو جنب، ولازم الحق حق. قول سعد رحمه الله فيما يخص هذه الآية أن وقت الصيام يبتدئ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا وقته، ويكون وقت الأكل والشرب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وبعد يمتنع الإنسان عن الأكل والشرب والجماع. إذا حصل الإنسان شك، استيقظ فظن أن الفجر لم يطلع بعد، وأكل أو شرب أو جامع، فلا شيء عليه، وبعدها تبين أن الفجر طلع فلا شيء عليه. كذلك فيه أنه يستحب للإنسان أكلة السحر، هذه السحورة، وأن السحور فيه بركة، ويستحب أن يؤخر إلى آخر الوقت، وهذا كان قبل لا يمكنهم الأكل، فرخص الله سبحانه وتعالى في الأكل. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان ما فيه بأس أن يدرك الفجر، طالع الفجر وهو جنوب، لأن إذا كان مباح الأكل والشرب والجماع حتى طلع الفجر، هذا لا شك أن من يطلع الفجر دي القرج عليه الجنابة أو المرأة عليها الجنوب، فهذا لا بأس فيه، وليس عليه شيء، وصومه صحيح، لأن لازم الحق حق، فلازم أنه مباح إلى طلوع الفجر، فما يأتي منه فهو معفو عنه، وليس على الإنسان شيء. دونك كونسيرنون لو فيرسي السعدي رحمه الله تعالى دي كونسيرنون لو فيرسي: مانجي بيفي جوسكا سكو فو ديستينغي لو فيل بلون دو لوب du fil noir de la nuit. Et c'est là la plage horaire, dit Rahmatullah Alayh, pour la boisson, la bouffe, les rapports avec ses épouses. Et il y a là aussi que s'il mange et boit ou autre en croyant que l'aube n'est pas levée et que l'aube est déjà levée, il n'y a aucun mal pour lui, son jeûne est valide et il continue sa journée. Hein? Maintenant la personne, il s'est réveillé, il croit que l'aube n'est pas levée, n'est pas apparue. Ben, s'il mange ou il boit ou il fait autre chose, il n'y a pas de mal pour lui. Il continue son jeûne et son jeûne est valide. Et il y a en cela aussi, dans ce verset, il faut retenir aussi qu'il est recommandé de prendre suhoor, cette collation du matin. Cette collation avant le fajr, avant l'apparition du fajr véridique. Et qu'il est préférable aussi de la retarder. Et ceci, c'est la mise en application de l'autorisation et de la facilité qu'Allah a fait pour ses serviteurs. Parce qu'auparavant, s'ils sont dormis, ils n'avaient plus le droit de boire ni de manger. Mais il y a eu cette autorisation. Et donc, il est préférable à la personne de prendre suhoor et de le retarder. Hein? Et il y a aussi dans ce verset la preuve comme quoi si l'aube se lève alors que la personne est en état de janaba et qu'il ne s'est pas encore purifié, que cela est permis. et le jeûne de la personne invalide, que ce soit l'homme ou la femme. Car le fait qu'il soit autorisé d'avoir des rapports conjugaux jusqu'au lever de l'aube implique que la personne sera en état de janaba au moment de l'apparition de l'aube véridique. Et ceci est permis, et ce qu'implique la vérité est une vérité en soi. وقال ثم إذا طلع الفجر قال رحمه الله ثم إذا طلع الفجر أتم الصيام أي الإمساك عن المفطرات إلى الليل وهو غروب الشمس. ولما كانت إباحة الوطء في ليالي الصيام ليست إباحة عامة لكل أحد فإن المعتكف لا يحل له ذلك, استثناه بقوله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد, أي وأنتم متصفون بذلك. فإذا كان الجماع يجوز للإنسان فهذا ليس على عموم, فيه من الناس من لا يجوز لهم الجماع. من هم؟ الذين اعتكفوا في المسجد, الذين دخلوا في اعتكاف في المسجد, فهؤلاء لا يجوز لهم أن يجامعوا الأهل. إيه une fois que l'aube levée, il faut jeûner en s'abstenant des annulatifs du jeûne, et ceci jusqu'au coucher du soleil. L'autorisation des rapports avec les épouses du coucher du soleil jusqu'à l'aube est une autorisation qui n'est pas générale, qui n'est pas pour tout le monde. Il y a une exception. L'exception est faite pour celui qui est en retraite spirituelle dans la mosquée, conformément au verset qui suit, qui nous dit « Mais n'ayez pas de rapport avec vos épouses en étant en retraite spirituelle dans les mosquées. » Donc s'il est permis pour ceux qui ne sont pas en retraite spirituelle d'avoir des rapports avec leurs femmes, ceux qui sont en retraite spirituelle, il leur est interdit d'avoir des rapports avec leurs épouses alors qu'ils sont en retraite spirituelle. يقول رحمه الله ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وانقطاعا إليه, وأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد. ويستفاد من تعريف المساجد أنها المساجد المعروفة عندهم وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس, وفيه أن الوطء أي الجماع من مفسدات الاعتكاف, الجماع من مفسدات الاعتكاف, تلك المذكورات أي تلك التي منع الله عز وجل, تلك المذكورات وهو تحريم الأكل والشرب والجماع ونحوه من المفطرات في الصيام, وتحريم الفطر على غير المعذور, وتحريم الوطء على المعتكف ونحو ذلك من المحرمات. فقال حدود الله, هذه حدود الله التي حدها لعباده ونهاهم عنها, فقال فلا تقربوها. فقوله فلا تقربوها أبلغ من قوله فلا تفعلوها, لأن القربان يشمل النهي عن الفعل المحرم بنفسه والنهي عن وسائله الموصلة إليه. فهذه الآية دلت على أن على ماذا؟ قل السعدي رحمه الله على مشروعية الاعتكاف. أين يكون الاعتكاف؟ لا يكون إلا في بيوت الله, لا يكون إلا في المساجد. فما يمكن للإنسان يعتكف في بيته, ما يكون الاعتكاف إلا في المسجد الذي تقام فيه الصلوات. وفي الآية كذلك أن الجماع من مفسدات الاعتكاف, وذكر الله سبحانه وتعالى الحدود التي حد لعباده والتي حرم عليهم, وهي الأكل والشرب والجماع ونحوه من المفطرات, كل ما يفطر الصائم, وكذلك تحريم الفطر لغير للمسلم الذي ليس عنده عذر, ليس بمريض, ليس بمسافر, فيحرم عليه ماذا؟ الفطر. كذلك فيها تحريم الوطء على المعتكف ونحو ذلك من المحرمات. فقال فيها فلا تقربوها, وقوله فلا تقربوها هذا أبلغ من أن يقول فلا تفعلوها. فعندما تأتيك فلا تقربوها هذا يدلك أنك يجب أن تبتعد عن هذه المحرمات, وأن تبتعد عن كل وسيلة ستوصلك إلى هذا المحرم, تبتعد عنه وعن الوسيلة. فالنظر عبر التلفاز لهذه الكاسيات العاريات يثير ماذا؟ يثير الشهوة عند الإنسان، فلعله يقع فيما حرم الله عز وجل، فعليه أن يبتعد هذا النظر إلى إلى النساء. هذا ممنوع في رمضان وفي غير رمضان، ولكن يشتد منعه في رمضان، فهو من الوسائل التي توصل إلى المحرم. كذلك عبر الهواتف وكذا، سمع الأغاني هكذا الماجنة تثير شهوة الإنسان، فكل هذه والأغاني محرمة في رمضان وفي غير رمضان، لكن تحريمها أشد في رمضان، وخاصة إذا أدت بالإنسان كانت وسيلة أن توصله إلى ما هو أكثر من ذلك. دونك رحمة الله عليه il dit le verset aussi الشيخ ناصر السعدي رحمة الله عليه il dit le verset prouve que la législation de la retraite spirituelle dans les mosquées par obéissance à Allah et en se réservant exclusivement à son adoration subhanahu wa ta'ala. Mais la retraite spirituelle n'est valide que dans les mosquées. Cela veut dire quoi? Il n'y a pas de retraite dans les maisons, en dehors des mosquées. La retraite spirituelle ne se fait ou ne s'accomplit que dans les mosquées dans lesquelles on accomplit les prières. Et on retient du terme « masjid », cela signifie les endroits connus pour l'accomplissement des cinq prières. Pour l'accomplissement de ces cinq prières. Et on retient du verset ici que le rapport charnel avec ses épouses est un annulatif, annulatif de la retraite spirituelle. Il annule la retraite spirituelle. Et le verset dit, ceci ce sont les limites d'Allah. Cheikh Nasser Saadi dit, c'est-à-dire ce qui a été cité auparavant, c'est-à-dire l'interdiction de la nourriture, l'interdiction de la boisson, l'interdiction des rapports conjugaux avec ses épouses et autres parmi les annulatifs du jeûne. Tout ça, ce sont les limites d'Allah, ainsi que l'interdiction de la rupture du jeûne pour ceux qui n'ont pas d'excuses légiférées, c'est-à-dire qui ne sont pas en voyage ou qui ne sont pas malades. Il leur est interdit de rompre leur jeûne. Ainsi que l'interdiction des rapports conjugaux durant la retraite spirituelle et autres interdits. Ce sont là les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a transcrit, instauré. Et il les a définis subhanahu wa ta'ala. Et pour ses serviteurs, il leur a interdit tout cela. Et le verset nous dit, ne vous en approchez pas. Il faut savoir que ce terme, ne vous en approchez pas, est beaucoup plus fort que du fait, ne les faites pas. Ne vous en approchez pas, cela implique et englobe l'interdiction de faire l'illicite et l'interdiction d'utiliser les moyens qui amènent vers l'illicite. Ce n'est pas tout simplement, il est interdit. Cela veut dire que ça interdit l'illicite en lui-même, le fait de le mettre, de l'accomplir, et ça interdit tout moyen qui va nous amener à ce licite. Prends par exemple ce qui se passe, tout ce qui se propage sur les télés, etc., comme feuilleton, quada, où il y a beaucoup de femmes nues et presque nues, etc., etc., et des scènes à Oudoubillah, etc. Tout ceci est un moyen pour exciter les envies de la personne. Et donc, ça peut l'amener à plus grave encore. Et donc, ceci est interdit. Et le fait de ziyouter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit, c'est interdit pendant Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Il en est de même pour ces chansons qui parlent plus bas que la ceinture et qui excitent les désirs des gens. Ben, la même chose, c'est un moyen. Et en plus, les chansons, n'importe comment ils soient, et la musique, n'importe qu'ils soient, il est interdit pendant Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Et pendant Ramadan, c'est encore pire. Et donc, ne vous en approchez pas, ça veut dire, tu ne fais pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit, et tu ne vas pas et tu n'utilises pas les moyens qui vont t'amener à cet interdit. Donc, l'expression est très forte. Et il dit, rahmatullah alayhi, il est demandé au soumis Allah de délaisser les interdits, de s'en éloigner et de délaisser tout moyen qui pousse vers l'interdit. Quant aux ordres d'Allah, ça concernant les interdits. Quant aux ordres d'Allah, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Le verset les concerne dit, ce sont là les limites d'Allah, ne les dépassez pas. Là-bas, il a dit, ne vous en approchez pas. Hein, il a dit, ne les dépassez pas. Et il a interdit le fait de dépasser ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire. Ainsi, Allah clarifie clairement ses lois à ses soumis. Il leur a clarifié les lois citées auparavant, d'un éclaircissement du plus clair. Tout ce qu'il veut d'eux durant ce mois de Ramadan, il l'a clarifié, subhanahu wa ta'ala. وَالْعَبْدُ مَأْمُورٌ بِتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْبُعْدِ مِنْهَا غَايَةَ مَا يُمْكِنُهُ وَتَرْكُ كُلِّ سَبَبٍ يَدْعُو إِلَيْهَا وَأَمَّا الْأَوَامِرُ فَيَقُولُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا فَيَنْهَى عَنْ مُجَاوَزَتِهَا نَهَى عَنْ أَنْ تَقْتَرِبَ مِنَ الْحَرَامِ وكذلك أمرك ألا تزيد على ما أمر لا تعتدي فيما أمرك الله سبحانه وتعالى ولا تغلو في الدين ما في غلو في الدين ها؟ ما تتجاوز الحدود ها؟ هناك قال فلا تقربوها وهنا قال فلا تعتدوها كذلك أي يبين الله لعباده الأحكام السابقة أتم تبيين وأوضحها له وأوضحها لهم أكمل إيضاح هذا كله فيه ماذا؟ فيه بيان واضح من الله عز وجل لعباده ماذا يريد منهم ها؟ إيلادي رحمة الله عليه يبين الله آياته للناس قال سبحانه وتعالى يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون قال رحمه الله فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه فإن الإنسان قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم ولو علم تحريمه لم يفعله فإذا بين الله للناس آياته لم يبق لهم عذر ولا حجة فكان ذلك سببا للتقوى التقوى ما هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي أتى بيان ذلك في كتاب الله فيأتي المسلم فيقوم بما أمر الله سبحانه وتعالى به وينتهي عما نهى عنه فيكون حصل على ماذا حقق التقوى ها؟ والله سبحانه وتعالى بيّن لماذا لتقوم الحجة على العباد لكي لا يكون للعباد عذر يوم لقاء الله عز وجل الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على خلقه إيه Il a dit, rahimahullah, concernant le verset, ainsi Allah a clarifié aux gens ses enseignements, afin qu'ils atteignent taqwa. C'est-à-dire, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a clarifié ce qu'il veut de nous. Les ordres qu'il veut qu'on mette en application, les choses qu'il veut qu'on mette en application, et ce qu'il nous a interdit. Et le fait de, hein, d'accomplir ce qu'il a ordonné, et de s'abstenir de ce qu'il a interdit, c'est ça, taqwa. C'est ainsi que s'accomplit taqwa, et c'est ainsi qu'on arrive à accomplir taqwa. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, Cheikh rahmatullah alayhi, يقول Allah a clarifié aux gens ses enseignements afin qu'ils atteignent taqwa. Car quand la vérité leur est bien clarifiée, ils la suivent. Et quand le faux leur a été bien clarifié, ils l'évitent. Car l'être humain peut accomplir l'interdiction par ignorance. Car s'il sait que c'est interdit, il ne le ferait pas. Et quand Allah clarifie aux gens ses enseignements, il leur reste plus d'excuses ni de preuves pour faire l'interdit. Cela devient un motif pour acquérir taqwa. Fin de citation des paroles de Sa'di rahimahullah. Donc Cheikh Nasser Sa'di rahimahullah, il nous montre comment on arrive à taqwa. La mise en application des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala peut s'abstenir de ce qu'il a interdit. Et il nous montre que Allah subhanahu wa ta'ala a tout clarifié pour accomplir la preuve contre les serviteurs. Ça veut dire, quand on va arriver devant Allah, Azza wa Jal, nous n'avons aucune preuve dans les erreurs que nous avons commises et dans le haram que nous avons commis et dans les négligences que nous avons eues concernant hein, ce que nous avons délaissé de notre religion. Et donc, cela veut dire quoi hein Ça veut dire que l'être humain lui demandait d'acquérir taqwa. Et comment? Par le fait d'accomplir les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala avec preuve, en espérant la récompense d'Allah, et par le fait de s'abstenir de ce qu'il a interdit, avec preuve, en ayant peur du châtiment d'Allah. فَهَذَا يَدُلُّنَا عَلَى مَاذَا عَلَى أَنَّ الْإِنسَانِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُحَاوِلْ أَنْ يُحَقِّقَ التَّقْوَى بِمَاذَا بِامْتِتَالِ الْأَوَامِرِ بِدَلِيلٍ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لَيْسَ مِنْ عَقْلِهِ وَلَا بِهَوَاهِ رَجَاءَ ثَوَابِ اللَّهِ وَاجْتِنَابَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَخَافَةَ عِقَابِ اللَّهِ وَهَذَا كَذَلِكَ بِدَلِيلٍ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. فالصوم والصيام في لغة العرب معناهما الإمساك. فيقال مثلا صام فلان عن الحركة، أي أمسك عن الحركة فلم يتحرك. وصام عن الكلام، أي أمسك عن الكلام فلم يتكلم. صام عن المشي كما كل هذا، أي شيء تمسك عنه فهذا صوم عن هذا الشيء. كما جاء في قول الله تعالى في سورة مريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أي إمساكا عن الكلام، كما بينه الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه في تفسيره أضواء البيان. وهذا قول الجمهور في هذه الآية، أن هنا الإمساك عن الكلام. أما في الشرع معنى الصيام، يقول العلماء هو إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة. ليس هو كله إمساك، لكن هو إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص وبشرائط وبشروط مخصوصة خاصة به. فالزمن المخصوص من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا الزمن المخصوص. والشيء المخصوص الذي يجب أن يصام عنه الطعام والشراب والجماع وما قام مقامهما، أي ما قام مكان الجماع ومكان الطعام ومكان الشراب. والشرائط المخصوصة كالنية والإسلام، وأن لا يصوم يوم عيد، أن لا يكون ذلك اليوم الذي يصومه يوم عيد أو يوم شك. دونك الصيام أو لو تيرم صوم désigne dans la langue des Arabes l'abstention. On dit de quelqu'un qui a décidé de ne pas bouger. Ben, il s'est abstenu de bouger. Sama'ani l'haraka. Et de quelqu'un qui a décidé de ne pas parler. Il s'est abstenu de la parole. Sama'ani l'kalam. Comme cela est relaté dans la traduction approximative du verset 26 dans Sourate Maryam, où Maryam dit, alayhi salatu wassalam, j'ai voué en mes miséricordieux un vœu de silence, c'est-à-dire un siyam. Il s'est abstenu de la parole, c'est-à-dire abstention de la parole, comme cela a été clarifié par l'imam Shalqita rahmatullah alayhi dans Adwa al-Bayan. La preuve, c'est la suite du verset qui dit « Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. » Dans la législation d'Allah, la signification du terme siyam désigne une abstention spécifique, durant un temps spécifique, bien délimité, de certaines choses spécifiques, avec des conditions spécifiques. Ça, c'est sa définition dans la législation. Le temps spécifique, c'est du lever de l'aube véridique, de l'apparition de l'aube véridique, jusqu'au coucher du soleil. Et ça, c'est la plage horaire de l'abstention, de l'apparition de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil. Les choses spécifiques, ce sont la nourriture, la boisson et les rapports conjugaux ou leurs substituts. Il y a des substitutions, des choses qui sont des substituts à tout cela. Les conditions spécifiques, l'islam, l'intention et que ce ne soit pas un jour interdit de jeûner, comme si la personne jeûne le jour de l'Aïd. Il est interdit de jeûner le jour de l'Aïd, et comme il est interdit de jeûner le jour du doute. Hein? Et en d'autres termes, comme l'a dit Cheikh Al-Utaymiyyah rahmatullah alayh, siyam, c'est l'adoration d'Allah, en s'abstenant de tout ce qui rompt le jeûne, du lever au coucher de soleil, dans Sharh Bulugh al-Maram, Cheikh Al-Utaymiyyah rahmatullah alayh. Et wafi, وبمعنى آخر يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه الصيام عبادة الله سبحانه وتعالى بالإمساك عن كل المفطرات طاعة لله عز وجل وعبادة لله سبحانه وتعالى فكلمة الصوم هذه كانت موجودة في كلام العرب قبل الإسلام خذ مثلا بعض الكلمات لم تكن موجودة عندنا خذ مثلا السبحة هذه اللي مبتلين بها الناس دلوقتي. هذه ما موجودة في كلام العرب ها وهذه دخيلة على الإسلام هذه أتت من بوذا أخذها المسيحيون عن البوذيين وأخذها الروافض أخزاهم الله عن المسيحيين ودخلت في طوائف الصوفية ووصلت إلى ما وصلت إليه في الأمة الإسلامية ولكن الكلمة في حد ذاتها السبحة غير موجودة في كلمة ما كانت موجودة في كلام العرب بخلاف كلمة الصوم هذه موجودة في كلام العرب ومعناها عند العرب صام عن الشيء أي أمسك عنه صام عن الكلام صام عن الحركة صام عن المشي أي أمسك عنه أما الشرع كما مر فجعل لها معنى زائد نعم هو إمساك كما في اللغة لكن هو إمساك مخصوص الصلاة في اللغة الدعاء هل الصلاة في الشرع هي الدعاء؟ لا الصلاة في الشرع دعاء مخصوص وأقوال وأفعال مخصوصة الحج في اللغة القصد أن تقصد إلى الشيء وفي الشرع قصد مخصوص بنية مخصوصة وشرائط مخصوصة فالصيام والصوم في الشرع إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة وهذا التعريف والذي عرفه به ابن حجر رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري في كتابه الفتح الباري فالألفاظ لها مدلول لغوي ومدلول عرفي ومدلول شرعي هذه الألفاظ التي نتكلم بها فعندها ثلاث دلالات عندها دلالة في الشرع ودلالة في عرف الناس فيما تعاهد عليه الناس واعتاده الناس و عندها معنى في اللغة. Donc, le terme siyam, le terme saum, existait dans la langue arabe. Et dans la langue des Arabes avant l'islam. Contrairement à certains termes, comme par exemple, prenez subha, ce qu'on appelle le chapelet. Hada, ce terme subha, il n'existait pas dans la langue arabe. Hein? Dans la période pré-islamique. Son origine de cette subha, c'est Bouddha. Les chrétiens ont pris cette pratique et ce chapelet qui s'appelle chapelet, hein, Subhadi, des bouddhistes. Rawafid que Allah subhanahu wa ta'ala les bouddhistes l'ont prise des chrétiens. Hein? Tu vois, la chaîne est une chaîne noire, une chaîne de transmission qui est noire. Bouddha, chrétien, Rawafid. Hein? Et donc ce terme subha n'existait pas dans la langue arabe. Quant au terme siyam, c'est quelque chose qui existe bien avant l'islam et qui signifie sur, pour les arabes l'abstention. S'abstenir d'une chose, s'abstenir de la parole, du mouvement, de la marche. Hein? Mais dans la législation musulmane, c'est aussi une abstention. Mais c'est une abstention particulière. Le terme prière dans la langue arabe veut dire l'invocation, dua. Mais est-ce que la prière c'est tout simplement dua? Non. Mais dans la législation, c'est un dua spécifique. Et ce sont des actes et des paroles spécifiques à la prière. Donc salat, en législation, désigne des paroles et des actes spécifiques qui débutent avec takbirat al-ihram, qui se terminent avec taslim, avec le salut. Le hajj veut dire l'objectif. Aller vers quelque chose. Prendre quelque chose comme objectif et se diriger vers elle. Hein? En langue arabe, il disait le fait de viser ce qui est révéré, puis son usage s'est limité au fait de se rendre à la Kaaba pour accomplir le pèlerinage ou la Umra. À la base, il était désigné pour aller vers toute chose qu'on vénère. Hein, toute chose que les gens vénéraient, hein, et tu vois, tu entends le pèlerinage vers la tour là-bas, comment ça s'appelle déjà, le Mouhim, hein, tu vois, il y a des pèlerinages aussi dans le polythéisme et chez les gens des livres, hein. Donc c'est aller vers quelque chose, c'est prendre quelque chose comme objectif, mais ça c'est la désignation et c'est la signification en arabe, mais la signification en législation, c'est le fait de se rendre à la Kaaba pour accomplir le pèlerinage. Donc le terme Hajj désigne le fait de se rendre à la maison sacrée pour accomplir des actes spécifiques. On a un temps bien déterminé. Dans le terme Siyam, donc le terme Siyam est sans dans la législation, c'est une abstention spécifique, avec une intention spécifique et des conditions spécifiques. Donc Siyam, comme a dit Ibn Hajar rahimahullah dans le Fath, c'est une abstention spécifique en un temps déterminé, hein, sur des choses spécifiques et avec des conditions qui sont spécifiques. Hein, il faut retenir aussi que les termes et les expressions en langue arabe ont trois significations. Une signification linguistique et une signification dans l'urf des gens, c'est-à-dire dans l'usage et le coutume des gens, et aussi une signification législative. فالزمن المخصوص في الصيام هو من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فالذي يحسب اليوم الوقت من طلوع الفجر الى غروب الشمس ويقول انها 15 ساعة. أو أكثر أو أقل ويقول إذن أنا سأصوم من السابعة مساء بعد المغرب 15 ساعة إلى 9 صباحا يصوم من المغرب في الساعة 7 إلى 9 صباحا أي صام 15 ساعة أو 16 ساعة ها فهل ينفع هذا شرعا هو صام وصام وقت طويل هل ينفعه شرعا هل هذا وقع منه الصيام أبدا لم يقع منه ولذلك لا بد من الزمن المخصوص وهذا الذي فعله ليس بصيام شرعي وكذلك هذا الذي يفعلونه ها لنقص الوزن ولتجديد الصحة وكذا فتراهم هذا الآن أصبح عندهم موضة ها هذا الصوم أنه يكون في الخامسة مساء ويمتنع عن الأكل إلى لعله العاشرة صباحا من الغد هذا لكي يجدد صحة هل هذا صيام؟ هذا إمساك لا شك في اللغة هو صيام لكن في الشرع ليس بصيام بالمعنى اللغوي نعم يقع لكن بالمعنى الشرعي أبدا دونك لو تون سبيسيفيك دي جون débute à partir de la parution de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil. Donc c'est quelqu'un calcule maintenant le temps entre la parition de l'aube et le coucher du soleil, se dit il y a 15 heures entre les deux. C'est une plage horaire qui s'étend sur 15 heures. Et dit donc je vais jeûner 15 heures à partir de 18 heures le soir. Je vais m'abstenir de manger jusqu'à 9 heures du matin le lendemain matin. Il n'y a aucun doute que celui-là, de sa part, il a eu une abstention. Il a eu un jeûne dans la définition linguistique. Et c'est une abstention au niveau linguistique. Mais ce n'est pas l'abstention demandée par la législation. Hein? Ce n'est pas celle-là qu'il est demandé. Il est demandé l'apparition de s'abstenir à partir de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Hein? Et tu les vois maintenant, c'est devenu à la mode, ces jeûnes intermittents, vous dites. Hein? Ils jeûnent de 18h à 17h jusqu'à 9h du matin, le lendemain matin. Pourquoi? Pour avoir la santé, pour maigrir, etc. Mais ça, si cette abstinence s'appelle siyam en langue arabe, au niveau de la législation, ça ne l'est pas. Abadan. فالصوم شرعا يبدا من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس والشيء المخصوص الطعام والشراب والجماع وما قام مقامهما شخص لم ياكل ولم يشرب لكن طول النهار مركب له هذه الابر في العروق جلوكوز كذا مقويات كذا تمر فهي تقوم مقام الطعام هو لم يأكل ولم يشرب لكن هذه قامت مقام الطعام إذن هذا مفطر وليس بصائم مفطر وليس بصائم لم يأكل ولم يشرب لكن تعاطى ما يقوم مقام الطعام والشراب والصحيح أيضا أن الإنسان المبتلى ويقضي شهوة نفسه بيده فإنه وإن لم يكن مجامعا لكنه فعل ما يقوم مقام الجماع فيعتبر مفطرا على الصحيح من قول أهل العلم وهو قول الجمهور خلافا لمن قالوا إن الذي يستمني ليس مفطرا وهو آتم لا شك أنه آتم وأنه مفطر في قول جمهور أهل العلم بعض أهل العلم قالوا بأن الذي يأتي شهوته بالعادة السرية صومه صحيح وهو آتم لكن الجمهور وهو الصحيح يعتبرونه مفطرا وآتما فهناك أشياء تقوم مقام الطعام والشراب والجماع فلذلك أهل العلم يقولون الإمساك ما هو؟ إمساك عن الطعام والشراب والجماع وما قام مقامهما لأن هناك أشياء تقوم مقام كل هذه. Et donc, le jeûne dans la législation musulmane commence de l'apparition de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil. Donc, les choses spécifiques duquel il faut s'abstenir sont la nourriture, les boissons et les rapports avec les épouses. Et les substituts de ces choses ont leurs substituts. Exemple. Une personne n'a pas mangé et n'a pas bu. Il n'a pas eu de rapports conjugaux. Mais toute la journée, il est sur un lit dans l'hôpital. On lui injecte du sérum, du glucose, des vitamines, etc. Dans les veines. Ces matières sont des substituts à la nourriture. Donc celui-là n'est pas en état de jeûne. N'est pas considéré comme jeûneur. Certes, il n'a pas mangé. Il n'a pas bu. Mais son corps reçoit un substitut à cela. Et dont la parole prépondérante et la parole fiable chez les savants, celui qui prend son plaisir en se masturbant la journée de Ramadan, il a annulé son jeûne et il est dans le péché et ne sera pas considéré comme jeûneur. Et c'est là la parole de la plupart des savants de l'islam, contrairement à certains qui disent « il a commis un péché, son jeûne est valide ». Donc il y a des choses qui se substituent à la nourriture, à la boisson et au rapport. Hein? D'où la parole des hommes de science, le jeûne c'est le fait de s'abstenir de la nourriture, de la boisson, des rapports et de ce qui est leur substitut. Pour ça, il rajoute cela et de ce qui est leur substitut. شخص مثلا ونأتي شخص مثلا نام فاحتلم، هذا ليس بآثم وهذا صومه صحيح ويلزمه فقط الغسل للصلاة ولا يلزمه شيء آخر، لا توبة ولا كفارة، لأنه ما عمل شيئا ينقض الصيام، لأن النائم مرفوع عنه القلم، النائم مرفوع عنه القلم. ها، فكذلك هؤلاء الذين يشربون الدخان عافاهم الله يقولون هذا ليس بطعام، بعدهم يتفلسف ويقول لك هذا ليس بطعام ولا بشراب، لكن هذا الدخان يفطر وإن لم يكن طعاما ولا شرابا، ولكنه يقوم مقام الطعام ومقام الشراب، فهو لا يشبع ولكن يشبع رغبة الإنسان. فالإنسان يتعاطى بعض المكيفات، الشاي، القهوة، هذه المشروبات الغازية، ها، من أجل أن يشبع رغبته، لا من أجل أن يشبع، من أجل أن يشبع رغبته. فنفس الشيء يؤديه الدخان، يشبه رغبة في الإنسان، يشبع رغبة في الإنسان. فليس كل شيء يضعه الإنسان في فمه يكون للقضاء على الجوع والعطش، هناك ما يسمى بهذه بالمجاز، هناك أمور يشربها الإنسان ليس أنه عطشان، إنما لرغبته، كالشاي والمشروبات الغازية، وهذا الذي يشرب القهوة لأنها من المنبهات والشاي من المنبهات، فشارب الدخان لا يريد أن يقضي على جوع ولا على عطش، كذلك شارب القهوة والشاي وهذه الأمور لا يقضي على، لا يريد أن يقضي على جوع وعلى عطش، ولكنه يشبع رغبة عنده في نفسه، وبالتالي تعاطي الدخان مفطر وحرام في رمضان وغير رمضان، فهو حرام، فهو يدخل في قول العلماء الطعام والشراب والجماع وما يقوم مقامهما. فبإجماع العلماء شارب الدخان في رمضان مفطر. ومن المضحكات المبكيات قول ضلال الرافضة من ضلالهم يجوز للصائم شرب 3 سجائر في يوم صومه، علاش غير 3؟ مالك ما تقول لي 30، علاش غير 3؟ عياذا بالله، لكن هكذا يفعل الضلال بإهله. دونك برون با اكزومبل Prends par exemple quelqu'un qui dort, contrairement à celui qui prend son plaisir avec sa main. Quelqu'un, il s'endort, il fait une sieste, il fait un rêve érotique. Ah, là, il n'a pas commis de péché, il n'a pas d'expiation à ramener, ni de compensation à faire. Ce qu'il a, ce qui est obligatoire pour lui, tout simplement, c'est de faire le ghusl min al-janaba. Khalas, ils sont jeunes, ils valident. Son jeûne a eu lieu. Et prends par exemple certains qui fument. Allah subhanahu wa ta'ala les guérisse de cette maladie. En plein jour de Ramadan. Et il philosophe avec ça. Il polémique avec toi sur cela. En prétextant que la fumée, ce n'est ni de la nourriture, ni de la boisson. Alors que la fumée de la cigarette et autres annule le jeûne du jeûneur, même si ce n'est pas de la boisson ni de la nourriture, mais il fait partie des choses qui sont des substituts à la nourriture et à la boisson. Même si la fumée ne rassasie pas, même si la fumée n'étanche pas la soif de la personne, mais il a suivi son envie. Avec la fumée, il a suivi son envie, son désir. L'être humain boit du café, boit du thé, Est-ce qu'il les boit pour assouvir sa faim ou sa soif? Abadan. Mais il les boit pour un désir, parce qu'il en a envie, parce que c'est des choses qu'il aime. Hein? Et c'est une envie chez l'être humain. Il en est de même pour la cigarette. La même chose. Ce n'est pas toute chose qu'on met dans la bouche. Toute chose qu'on met dans la bouche n'est pas pour rassasier, ni pour étancher la faim. Abadan. Hein? Il y a des choses que la personne aspire, ou avale, ou boit, juste pour le plaisir et pour les envies. Et pour ses envies, comme le thé, comme les boissons gazeuses, comme le café, le thé et certaines autres boissons qui sont des matières qui boostent un petit peu l'énergie de la personne. Hein? Donc, le fumeur ne cherche pas dans son acte à assouvir sa soif ou sa faim, mais il assouvit son envie et son désir et son plaisir. En plus de ça, fumer, c'est illicite. Et il n'y a aucun doute qu'il fait partie des annulatifs du jeûne. À l'unanimité des hommes de science, fumer durant la journée de Ramadan est illicite et annule le jeûne. Et parmi les fatwas qui font pleurer et qui font rire, ce sont les fatwas des savants de Rawafid, savants de l'égarement, que Allah subhanahu wa ta'ala les maudisse, qui autorisent à leurs ouailles de fumer 3 cigarettes par jour durant la journée de Ramadan. Pourquoi 3 cigarettes? Pourquoi tu ne lui permets pas tout le paquet? Hein? L'ayadan billah. Et c'est ainsi que louange à Allah pour le monothéisme et pour la guider. Alhamdulillah ala ni'mati l'islam wa ni'mati sunna wa ni'mati l'hidayati ila ma kana alayhi rasul sallallahu alayhi wa sallam ashabu al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din. Wa qad ya'ti ilayka makir mutalabbis, makir mulabbis, ya'ti ilayka yaqul ha ana atanaffasu al-hawa, idhan ana muftir. عندما تحاجه في قضية الدخان يقول لك أنا أتنفس الهواء إذن أنا مفطر. فهذا ليس كشرب الدخان أخي الإسلام. فلا بد من التفريق بين ما قام مقام الطعام والشراب أن يتعاطه الإنسان لكي يشبع رغبة عنده، ولو لم تكن هذه الرغبة هي رغبة الشبع والري. لا بد أن نفرق بين هذا وهذا. Et tu peux te retrouver en face d'un fumeur qui va, hein, et qui défend ce qu'il fait, et va te ramener un prétexte satanique qui dit, hein, et qui, cela déguise le faux par le vrai. L'ayadan billah. Et il te dira, quand tu discutes avec lui, donc, quand j'aspire l'air, mon jeûne est annulé. Yadan billah. Regarde cette pensée jusqu'où Shaitan pousse les gens. Alors que l'air n'est pas comme la cigarette. Il faut bien faire la différence, il faut faire très attention. Et faire la différence entre les choses qui se substituent à la boisson, il y a la nourriture et les choses que les personnes prennent pour assouvir leurs envies, leurs désirs et leurs plaisirs. Même si cette envie n'est pas l'envie de se rassasier ou d'étancher la soif, comme avec la cigarette. Hein? Ben nous devons faire très attention. وَالشَّرَائِطُ الْمَخْصُوصَةُ النِّيَّةُ لَا بُدَّ مِنْهَا بل يشترط لكل الأعمال النية. فرجل امتنع عن الأكل والشرب والجماع لكن ليس بنية العبادة وإنما بنية انقاص وزنه، هذا يكون صائما؟ هذا يكون صائما؟ وإن كان يعد صائما لغويا فهو ليس بصائم شرعا، لا ما عنده نية فيه. فالنية هنا نية العبادة لله عز وجل، ونية التقرب لله سبحانه وتعالى بهذا الصيام. كذلك الإسلام لا بد أن أن يصوم الذي يصوم أن يكون مسلم، فلو صام كافر لا يكون صيامه صحيحا. ها؟ كذلك أن لا يصوم الإنسان يوم العيد أو يوم الشك، فالإنسان الذي يصوم يوم العيد بكل أحكام الصيام النية ويمتنع عن كل شيء فصيامه باطل، عطش جاع لم يجامع، لكن صام في يوم نهى الشارع عنه صومه فصيامه باطل. Donc, et les conditions spécifiques, comme l'islam, le jeûne n'est pas accepté d'un mécréant. Il est obligé qu'il soit soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Car si un mécréant jeûne, son jeûne, même s'il jeûne l'année entière, il n'est pas valide. Il en est de même pour un musulman qui jeûne le jour du Eid. Son jeûne n'est pas accepté. Même s'il s'est abstenu de boire, de manger, il a eu l'intention et tout ça, ben il n'est pas accepté parce qu'il a jeûné un jeûne que le législateur a interdit. Hein? Comme le jeûne du jour du doute. Hein, il dit, je vais jeûner le dernier jour du Shaban, peut-être que c'est le premier jour de Ramadan. Là aussi, c'est interdit. Et donc, malgré qu'il aura subi la soif et qu'il s'est abstenu de tout. Et parmi les conditions principales aussi, après l'islam, c'est l'intention, qui est une condition pour tous les œuvres, tous les actes d'adoration, obligés d'avoir une intention, l'intention de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, l'intention de l'adoration et de réserver ce culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne qui s'est abstenue de boire, de manger et d'avoir des rapports avec ses épouses sans l'intention de l'adoration, bakhlas. Hein? Mais peut-être pour maigrir, celui-là n'est pas considéré comme ayant jeûné au niveau de la législation. Même s'il s'est abstenu de tout ça, même si cette abstention est considérée dans la langue arabe, dans sa signification, mais au niveau de la législation, il est rejeté, il n'est pas accepté. Parce qu'il n'y a pas l'intention pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour l'adoration. L'intention demandée ici, c'est l'intention de l'adoration. L'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالصِّيَامُ أَخَ الْإِسْلَامِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمًا بَالِغٍ عَاقِلٍ قَالَ عَزَّ وَجَلْ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والآية تدل على أنه عبادة عالمية كتبها الله من قبل على المؤمنين من الأمم السابقة، وإن كان لا يلزم من ذلك التماثل في صفته من كل الوجوه. الصيام هذه عبادة شرعها الله سبحانه وتعالى على كل عباده، الأمم التي كانت قبلنا، أنبياء الله كانوا يصومون، المؤمنون معهم كانوا يصومون، لكن هل صيامهم مثل صيامنا؟ هذا لا يلزم منه التشابه. ها؟ فالصيام عبادة عالمية شرع الله سبحانه وتعالى لكل عباده. فإن صام مشركون لا يدين بالإسلام دين التوحيد لا يقبل صيامه، بل لا يقبل منه أي عمل كان من الأعمال الصالحة لا يقبل منه. قال عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والضمير يعود هنا لمن؟ من يخاطب الله؟ يخاطب إمام الموحدين وإمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أي من الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عمله. وهذا مستحيل أن يقع الشرك من محمد صلى الله عليه وسلم ومن الأنبياء، مستحيل أبدا. لكن هذا الخطاب يدلك على خطورة الشرك، على خطورة الشرك. ها؟ هذا للتنبيه أن الشرك الأكبر يحبط كل الأعمال. وقال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا، بعد ذكر عدد من الأنبياء، جماعة من الأنبياء ذكرهم بأسمائهم، وقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الضمير يعود هنا إلى جماعة من الأنبياء. وقال: ولو، لو تفيد أن هذا لا يقع، هذه لو افتراضية، لو افترض أن هذا الشرك وقع منهم لا حبط عنهم ما كانوا يعملون. لكن هذا مستحيل أن يقع الشرك من الأنبياء والمرسلين. لكن هذا لماذا يخاطبنا به الله عز وجل ويقول: إياكم وإياكم والشرك الأكبر، لأنه سيحبط كل ما عملتم في هذه الدنيا. وقال العلماء: وإن صام من دون البلوغ كتب له أجر صيامه وإن كان غير مكلف. هذا الصبي الصغير يصوم، لكن تدربه على الصوم ويصوم بنية الصيام وبنية عبادة، فيكتب له أجره ومرفوع عنه القلم هو أصلا، فثلاثة مرفوع عنهم القلم: الصبي حتى يحترم حتى يبلغ، والنائم، والمجنون حتى يعقل. لكنه هذا الصبي إذا صام بنية العبادة يكتب له أجر الأعمال الصالحة، أي عمل يعمله، ولكن يربى أن هذا العمل يعمله بنية العبادة لله فيؤجر عليه ويكتب له الحسنة. ومرفوعا عنه القلم، ما معنى مرفوع عنه القلم؟ هل قال رفع عنه القلم أم رفع له القلم؟ قال مرفوع عنه القلم، ففرق بينهما. رفع عنه القلم أي لا يكتب له السيئات ولا الأخطاء حتى يبلغ، لكن القلم يكتب له الحسنات، أعمال الصالحة التي يعمل يكتبها له، فالقلم مرفوع عنه، فأما له فهو يكتب له، يعمل عمل صالح يكتب له أجره، يخطئ وهو دون البلوغ ما يكتب، ما يؤاخذ به. دونك لو جون دو رمضان est une obligation pour tout musulman et toute musulmane qui est pubère et qui possède sa raison, car le verset dit: ô vous qui croyez, il vous a été prescrit le jeûne ainsi qu'il a été prescrit aux communautaires qui vous ont précédé. Ce verset prouve que le jeûne est une adoration universelle qu'Allah a prescrit pour tous les croyants des communautés qui nous ont précédés. Et cela n'implique pas que leur jeûne ressemble à notre jeûne dans tous ses aspects. Abadan. Hein? L'anbiya كانوا يصومون، والذين آمنوا بالأنبياء كانوا يصومون. les prophètes عليهم الصلاة والسلام jeûnaient, ainsi que ceux qui ont cru en les prophètes عليهم الصلاة والسلام. ils jeûnaient aussi. mais cela n'implique pas que leur jeûne était comme le nôtre. il y a une grande différence. فمن الفوارق بين صيامنا وصيام من قبلنا. اسمع لهذا الحديث يبين لك فارق واضح بيننا وبينهم. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل باب ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. هذا فارق أم ليس بفارق؟ ها؟ فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ها؟ فهذا من الفوارق، والفوارق كثيرة. ها؟ إذنك cela n'implique pas que leur jeûne ressemble au nôtre. Prends par exemple, dans le hadith rapporté par l'imam muslim, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam nous montre une différence qu'il y a entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre. Amr ibn al-As, il dit, le messager alayhi salam a dit, la différence qu'il y a entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre, c'est la collation du suhur. Cette collation que nous prenons avant l'apparition de l'aube. Donc dans ce hadith, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, il nous montre une différence claire entre notre jeûne et le jeûne du jeûne, hein, et le jeûne que jeûnaient les gens du livre. La différence entre notre jeûne et celui des gens du livre est le repas du Suhoor. Suhoor, qui est tout simplement cette collation prise juste avant que n'apparaisse là l'aube véridique. Et donc ce hadith nous donne une clarification sur une différence entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre. Fa, qui nous ont précédés. Cette collation fait partie de cette différence. فعند الأمم التي كانت قبلنا ما يسمى بالصوم وهذا الصوم لا شك أن فيه شيئا من التشابه بصيامنا وهو الإمساك وإلا ما كان صياما لا شك أن كان عندهم إمساك لأن الصيام معناه الإمساك فكان عندهم إمساك وكان عندهم صلاة وكان عندهم كثير من العبادات وهذا لا يلزم من تماثل الصفة من كل الوجوه فالأمم السابقة كان عندها صيام لقوله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالأنبياء كانوا يصومون ومن آمن بهم والصيام الصحيح خاص بالموحدين المؤمنين والتوحيد شرط في قبول الصيام وفي قبول أي عبادة من العبادات فبدون توحيد لا يقبل الله من أي كان أي عمل كان مهما كان ذلك العمل ولو كان مثل جبل أحد فيذهب هباء منطورا ما سبب هذا الشرك عدم التوحيد في العمل عياذا بالله et donc dans les communautés qui nous ont précédé ils étaient obligés de jeûner il n'y a aucun doute que dans leur jeûne, il y a quelque chose qui ressemble à notre jeûne, qui est l'abstention. Sinon, ça ne s'appellerait pas un jeûne, parce que le jeûne, ça veut dire l'abstention. Sinon, s'ils n'avaient pas d'abstinence, ben, ça ne serait pas un jeûne. Ils priaient, et ils avaient beaucoup d'adoration, et cela n'implique pas que leurs adorations ressemblent à notre adoration dans tous ses aspects. Abadan. Les communautés précédentes avaient l'obligation de jeûner. La preuve est le verset qui dit « Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit, ainsi que communautés qui sont passées avant vous, le fait de jeûner. » Les prophètes d'Allah jeûnaient, alayhi salatu wassalam, comme ceux qui leurs disciples qui les ont suivis et qui ont cru en eux. Mais le jeûne valide, à l'islam, le jeûne accepté, c'est le jeûne qui a accompli avec le monothéisme. C'est le jeûne accompli par les croyants monothéistes. Hein? Le monothéisme, le tawhid, est une condition pour l'acceptation du jeûne et pour l'acceptation de tout acte d'adoration. Aucun acte ne serait accepté sans le monothéisme. Même si la personne arrive avec des nobles actes et il aura dépensé la montagne de Hud en or, mais il associe Allah subhanahu wa ta'ala, tout ceci va partir en l'air. En poussière, comme s'il n'a rien fait, parce qu'il lui manque la chose principale, le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, ne lui a pas donné d'associé. Si un polythéiste jeûne sans le monothéiste, son jeûne n'est pas valide. Et aucun autre acte ne sera accepté de lui. Le verset nous dit, en effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera vaine et tu seras certainement du nombre des perdants. Le pronom ici, à l'islam, désigne notre messager, alayhi salatu salam, dans le verset. Le pronom ici désigne notre messager. Et cela te montre la gravité et le danger de l'associationnisme. Et dans l'autre verset, dans Surat le Bétail, où il est dit, après la citation d'un nombre de prophètes, alayhi salatu salam, mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Et il est impossible que les prophètes d'Allah puissent commettre et commettre de l'associationnisme. Abadan. Mais ceci pour attirer notre attention que l'associationnisme est très dangereux pour la personne. Hein? Le messager d'Allah, est épargné de ça, ainsi que tous les prophètes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention. Il nous donne des clarifications sur la gravité du shirk. La phrase dans le verset, mais s'ils avaient, hein, mais si, ici c'est une supposition, pour attirer notre attention sur la gravité du shirk, sinon c'est impossible que les messagers commettent du shirk, hein. Fa. نقف عند هذا الحد إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا